Livre troisième, chapitre 2. Paris à vol d'oiseau. Nous venons d'essayer de réparer pour le lecteur cette admirable église de Notre-Dame de Paris. Nous avons indiqué sommairement la plupart des beautés qu'elle avait au XVe siècle et qui lui manquent aujourd'hui. Mais nous avons omis la principale. C'est la vue du Paris qu'on découvrait alors du haut de ses tours. C'était en effet quand, après avoir tâtonné longtemps dans la ténébreuse spirale qui perce perpendiculairement l'épaisse muraille des clochers, on débouchait enfin brusquement sur l'une des deux plus hautes plateformes, inondées de jour et d'air. C'était un beau tableau que celui qui se déroulait à la fois de toutes parts sous vos yeux, un spectacle sui generis dont peuvent aisément se faire une idée ceux de nos lecteurs qui ont eu le bonheur de voir une ville gothique entière, complète, homogène, comme il en reste encore quelques-unes. Nuremberg en Bavière, Vitoria en Espagne, ou même de plus petits échantillons, pourvu qu'ils soient bien conservés, Vitré en Bretagne, Nordhausen en Prusse. Le Paris d'il y a 350 ans, le Paris du XVe siècle, était déjà une ville géante. Nous nous trompons en général, nous autres Parisiens, sur le terrain que nous croyons avoir gagné depuis. Paris, depuis Louis XI, ne s'est pas accru de beaucoup plus d'un tiers. Il a certes bien plus perdu en beauté qu'il n'a gagné en grandeur. Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la cité qui a la forme d'un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île, avec deux ponts, l'un au nord, l'autre au midi, et deux têtes de pont qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. Le grand Châtelet sur la rive droite, le petit Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l'étroit dans son île, et ne pouvant plus s'y retourner, Paris passe à l'eau. Alors, au-delà du grand, au-delà du petit Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture, il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. Aujourd'hui, il n'en reste que le souvenir. Et ça et là, une tradition, la porte Baudet ou Baudoyer, Porta Bagoda. Peu à peu, le flot des maisons toujours poussées du cœur de la ville au dehors déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d'un siècle, les maisons se pressent, s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étage sur étage, elles montent les unes sur les autres, elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. Et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. La rue de plus en plus se creuse et se rétrécit. Toute place se comble et disparaît. Les maisons, enfin, sautent par-dessus le mur de Philippe Auguste et s'éparpillent joyeusement dans la plaine sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent, se taillent des jardins dans les champs, prennent leur aise. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la bâtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d'un pays, toutes les pentes naturelles d'un peuple, les puits de civilisation pour ainsi dire, et aussi des égouts où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s'amasse sans cesse, goutte à goutte, siècle à siècle. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe Auguste. Dès la fin du XVe siècle, elle est enjambée, dépassée, et le faubourg court plus loin. Au XVIe, il semble qu'elle recule à vue d'œil et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le XVe siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui, du temps de Julien l'Apostat, étaient pour ainsi dire en germe dans le Grand Châtelet et le Petit Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. Sous Louis XI, on voyait par places percer dans cette mer de maisons quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergés sous le nouveau. Depuis lors, Paris s'est encore transformé, malheureusement pour nos yeux. Mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus, celle de Louis XV, ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l'a bâti, digne du poète qui l'a chanté. Le murmurant Paris rend Paris murmurant. Au XVe siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire. La cité, l'université, la ville. La cité qui occupait l'île était la plus ancienne, la moindre, et la mère des deux autres resserrée entre elles, qu'on nous passe la comparaison, comme une petite vieille entre deux grandes belles filles. L'université couvrait la rive gauche de la Seine, depuis la Tournelle jusqu'à la Tour de Nesle, points qui correspondent dans le Paris d'aujourd'hui, l'un à la Halle au Vin, l'autre à la Monnaie. Son enceinte échancrait assez largement cette campagne où Julien avait bâti ses thermes. La montagne de Sainte-Geneviève y était renfermée. Le point culminant de cette courbe de muraille était la porte papale, c'est-à-dire à peu près l'emplacement actuel du Panthéon. La ville, qui était le plus grand des trois morceaux de Paris, avait la rive droite. Son quai, rompu toutefois ou interrompu en plusieurs endroits, courait le long de la Seine, de la tour de Billy à la tour du Bois, c'est-à-dire de l'endroit où est aujourd'hui le grenier d'abondance à l'endroit où sont aujourd'hui les Tuileries. Ces quatre points où la Seine coupait l'enceinte de la capitale, la Tournelle et la tour de Nesle à gauche, la tour de Billy et la tour du Bois à droite, s'appelaient par excellence les quatre tours de Paris. La ville entrait dans les terres plus profondément encore que l'université. Le point culminant de la clôture de la ville, celle de Charles V, était aux portes Saint-Denis et Saint-Martin, dont l'emplacement n'a pas changé. Comme nous venons de le dire, chacune de ces trois grandes divisions de Paris était une ville. Mais une ville trop spéciale pour être complète, une ville qui ne pouvait se passer des deux autres. Ainsi, trois aspects parfaitement à part. Dans la cité abondaient les églises, dans la ville les palais, dans l'université les collèges. Pour négliger ici les originalités secondaires du vieux Paris et les caprices du droit de voirie, nous dirons d'un point de vue général, en ne prenant que les ensembles et les masses dans le chaos des juridictions communales, que l'île était à l'évêque, la rive droite au prévôt des marchands, la rive gauche au recteur. Le prévôt de Paris, officier royal et non municipal, sur le tout. La cité avait Notre-Dame, la ville, le Louvre et l'hôtel de ville, l'université, la Sorbonne. La ville avait les Halles, la cité, l'hôtel-Dieu, l'université, le Pré-au-Clair. Le délit que les écoliers commettaient sur la rive gauche dans leur Pré-au-Clair, on le jugeait dans l'île, au palais de justice, et on le punissait sur la rive droite à Montfaucon, à moins que le recteur, sentant l'université forte et le roi faible, n'intervînt, car c'était un privilège des écoliers d'être pendus chez eux. La plupart de ces privilèges, pour le noter en passant, et il y en avait de meilleurs que celui-ci, avaient été extorqués au roi par révolte et mutinerie. C'est la marche immémoriale. Le roi ne lâche que quand le peuple arrache. Il y a une vieille charte qui dit la chose naïvement à propos de fidélité. Sibivus fidelitas in rege, quae famen aliquotes seditionibus interrupta, multa peperit privilegia. Au XVe siècle, la Seine baignait 5 îles dans l'enceinte de Paris. L'île Louviers, où il y avait alors des arbres et où il n'y a plus que du bois, l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame, toutes deux désertes, à une masure près, toutes deux fiefs de l'évêque. Au XVIIe siècle, de ces deux îles, on en a fait une qu'on a bâtie et que nous appelons l'île Saint-Louis. Enfin, la cité, et à sa pointe, l'îlot du Passeur aux Vaches qui s'est abîmé depuis sous le terre-plein du pont Neuf. La cité avait alors 5 ponts, 3 à droite, le pont Notre-Dame et le pont au Change en pierre, le pont Meunier en bois, 2 à gauche, le petit pont en pierre, le pont Saint-Michel en bois, tous chargés de maisons. L'université avait 6 portes bâties par Philippe Auguste. C'était à partir de la Tournelle la porte Saint-Victor, la porte Bordel, la porte Papale, la porte Saint-Jacques, la porte Saint-Michel, la porte Saint-Germain. La ville avait 6 portes bâties par Charles V, c'était à partir de la tour de Billy, la porte Saint-Antoine, la porte du Temple, la porte Saint-Martin, la porte Saint-Denis, la porte Montmartre, la porte Saint-Honoré. Toutes ces portes étaient fortes et belles aussi, ce qui ne gâte pas la force. Un fossé large, profond, à courant vif dans les crues d'hiver, lavait le pied des murailles tout autour de Paris. La Seine fournissait l'eau. La nuit, on fermait les portes, on barrait la rivière aux 2 bouts de la ville avec de grosses chaînes de fer, et Paris dormait tranquille. Vu à vol d'oiseau, ces 3 bourgs, la cité, l'université, la ville, présentaient chacun à l'œil un tricot inextricable de rues bizarrement brouillées. Cependant, au premier aspect, on reconnaissait que ces 3 fragments de cité formaient un seul corps. On voyait tout de suite 2 longues rues parallèles sans rupture, sans perturbation, presque en ligne droite, qui traversaient à la fois les 3 villes d'un bout à l'autre, du midi au nord, perpendiculairement à la Seine, les lier, les mêler, infuser, verser, transvaser sans relâche le peuple de l'une dans les murs de l'autre, et des 3 n'en faisait qu'une. La première de ces 2 rues allait de la porte Saint-Jacques à la porte Saint-Martin. Elle s'appelait rue Saint-Jacques dans l'université, rue de la Juiverie dans la cité, rue Saint-Martin dans la ville. Elle passait l'eau 2 fois sous le nom de Petit Pont et de Pont Notre-Dame. La seconde, qui s'appelait rue de la Harpe sur la rive gauche, rue de la Barillerie dans l'île, rue Saint-Denis sur la rive droite, pont Saint-Michel sur un bras de la Seine, pont au Change sur l'autre, allait de la porte Saint-Michel dans l'université à la porte Saint-Denis dans la ville. Du reste, sous tant de noms divers, ce n'était toujours que 2 rues, mais les 2 rues mères, les 2 rues génératrices, les 2 artères de Paris. Toutes les autres veines de la triple ville venaient y puiser ou s'y dégorger. Indépendamment de ces 2 rues principales diamétrales, perçant Paris de part en part dans sa largeur commune à la capitale entière, la ville et l'université avaient chacune leur grande rue particulière qui courait dans le sens de leur longueur, parallèlement à la Seine, et en passant, coupait à angle droit les 2 rues artérielles. Ainsi, dans la ville, on descendait en droite ligne de la porte Saint-Antoine à la porte Saint-Honoré, dans l'université, de la porte Saint-Victor à la porte Saint-Germain. Ces 2 grandes voies croisées avec les 2 premières formaient le canevas sur lequel reposait, noué et serré en tous sens, le réseau dédaléen des rues de Paris. Dans le dessin inintelligible de ce réseau, on distinguait en outre, en examinant avec attention, comme 2 gerbes élargies, l'une dans l'université, l'autre dans la ville, 2 trousseaux de grosses rues qui allaient s'épanouissant des ponts aux portes. Quelque chose de ce plan géométral subsiste encore aujourd'hui. Maintenant, sous quel aspect cet ensemble se présentait-il vu du haut des tours de Notre-Dame en 1482, c'est ce que nous allons tâcher de dire. Pour le spectateur qui arrivait et souffler sur ce fait, c'était d'abord un éblouissement de toits, de cheminées, de rues, de ponts, de places, de flèches, de clochers. Tout vous prenait aux yeux à la fois, le pignon taillé, la toiture aiguë, la tourelle suspendue aux angles des murs, la pyramide de pierre du XIe siècle, l'obélisque d'ardoise du XVe, la tour ronde et nue du donjon, la tour carrée et brodée de l'église, le grand, le petit, le massif, l'aérien. Le regard se perdait longtemps à toute cette profondeur, dans ce labyrinthe où il n'y avait rien qui n'eût son originalité, sa raison, son génie, sa beauté, rien qui ne vînt de l'art. Depuis la moindre maison à devanture peinte et sculptée, à charpente extérieure, à porte surbaissée, à étage en surplomb, jusqu'au Royal Louvre, qui avait alors une colonnade de tours. Mais voici les principales masses qu'on distinguait lorsque l'œil commençait à se faire à ce tumulte d'édifices. D'abord la cité, l'île de la cité, comme dit Sauval, qui, à travers son fatras, a quelquefois de ses bonnes fortunes de style. L'île de la cité est faite comme un grand navire enfoncé dans la vase et échoué au fil de l'eau vers le milieu de la Seine. Nous venons d'expliquer qu'au XVe siècle, ce navire était amarré aux deux rives du fleuve par cinq ponts. Cette forme de vaisseau avait aussi frappé les scribes héraldiques, car c'est de là, et non du siège des Normands, que vient, selon Favin et Pasquier, le navire qui blasonne le vieil écusson de Paris. Pour qui sait le déchiffrer, le blason est une algèbre, le blason est une langue. L'histoire entière de la seconde moitié du Moyen-Âge est écrite dans le blason, comme l'histoire de la première moitié dans le symbolisme des églises romanes. Ce sont les hiéroglyphes de la féodalité après ceux de la théocratie. La cité, donc, s'offrait d'abord aux yeux avec sa poupe au levant et sa proue au couchant. Tournée vers la proue, on avait devant soi un innombrable troupeau de vieux toits sur lesquels s'arrondissait largement le chevet plombé de la Sainte-Chapelle, pareil à une croupe d'éléphants chargée de sa tour. Seulement ici, cette tour était la flèche la plus hardie, la plus ouvrée, la plus menuisée, la plus déchiquetée qui ait jamais laissé voir le ciel à travers son cône de dentelle. Devant Notre-Dame, au plus près, trois rues se dégorgeaient dans le parvis, belle place à vieille maison. Sur le côté sud de cette place se penchait la façade ridée et rechignée de l'Hôtel-Dieu et son toit qui semble couvert de pustules et de verrues. Puis à droite, à gauche, à l'Orient, à l'Occident, dans cette enceinte si étroite pourtant de la cité, se dressaient les clochers de ces 21 églises, de toute date, de toute forme, de toute grandeur, depuis la basse et vermoulue campanule romane de Saint-Denis-du-Pas, Carcère Glossini, jusqu'aux fines aiguilles de Saint-Pierre-aux-Bœufs et de Saint-Landry. Derrière Notre-Dame se déroulait au nord le cloître avec ses galeries gothiques, au sud le palais demi-roman de l'évêque, au levant la pointe déserte du terrain. Dans cet entassement de maisons, l'œil distinguait encore à ces hautes mitres de pierre percées à jour qui couronnaient alors, sur le toit même, les fenêtres les plus élevées des palais, l'autel donné par la ville sous Charles VI à Juvénal des Ursins. Un peu plus loin, les baraques goudronnées du marché Palu. Ailleurs encore, l'abside neuve de Saint-Germain-le-Vieux, rallongée en 1458 avec un bout de la rue aux Fèves. Et puis, par place, un carrefour encombré de peuple, un pilori dressé à un coin de rue, un beau morceau de pavé de Philippe Auguste, magnifique dallage rayé pour les pieds des chevaux au milieu de la voie, et si mal remplacé au XVIe siècle par le misérable cailloutage dit pavé de la Ligue. Une arrière-cour déserte avec une de ces diaphanes tourelles de l'escalier, comme on en faisait au XVe siècle, comme on en voit encore une rue des Bourbonnais. Enfin, à droite de la Sainte-Chapelle, vers le couchant, le palais de justice, asseyait au bord de l'eau son groupe de tours. Les futaies des jardins du roi qui couvraient la pointe occidentale de la cité masquaient l'îlot du passeur. Quant à l'eau, du haut des tours de Notre-Dame, on ne la voyait guère des deux côtés de la cité. La Seine disparaissait sous les ponts les ponts sous les maisons. Et quand le regard passait ces ponts, dont les toits verdissaient à l'œil, moisis avant l'âge par les vapeurs de l'eau, s'il se dirigeait à gauche vers l'université, le premier édifice qui le frappait, c'était une grosse et basse gerbe de tours, le petit Châtelet, dont le porche béant dévorait le bout du petit pont. Puis si votre vue parcourait la vue du levant au couchant, de la Tournelle à la Tour de Nesle, c'était un long cordon de maisons à solives sculptées, à vitres de couleur, surplombant d'étage en étage sur le pavé, un interminable zigzag de pignons bourgeois coupé fréquemment par la bouche d'une rue, et de temps en temps aussi par la face ou par le coude d'un grand hôtel de pierre, se carrant à son aise cour et jardin, ailes et corps de logis, parmi cette populace de maisons serrées et étriquées comme un grand seigneur dans un tas de manants. Il y avait 5 ou 6 de ces hôtels sur le quai. Depuis le logis de Lorraine qui partageait avec les Bernardins le grand enclos voisin de la Tournelle, jusqu'à l'hôtel de Nesle, dont la tour principale bornait Paris et dont les toits pointus étaient en position pendant 3 mois de l'année, déchancrés de leur triangle noir, le disque écarlate du soleil couchant. Ce côté de la Seine, du reste, était le moins marchand des deux. Les écoliers y faisaient plus de bruit et de foule que les artisans, et il n'y avait à proprement parler de quai que du pont Saint-Michel à la Tour de Nesle. Le reste du bord de la Seine était tantôt une grève nue, comme au-delà des Bernardins, tantôt un entassement de maisons qui avaient le pied dans l'eau, comme entre les deux ponts. Il y avait grand vacarme de blanchisseuses. Elle criait, parlait, chantait du matin au soir le long du bord et y battait fort le linge, comme de nos jours. Ce n'est pas la moindre gaieté de Paris. L'université faisait un bloc à l'œil. D'un bout à l'autre, c'était un tout homogène et compact. Les 1000 toits, drus, anguleux, adhérents, composés presque tous du même élément géométrique, offraient, vu de haut, l'aspect d'une cristallisation de la même substance. Le capricieux ravin des rues ne coupait pas ce pâté de maisons en tranches trop disproportionnées. Les 42 collèges y étaient disséminés d'une manière assez égale et il y en avait partout. Les fêtes variées et amusantes de ces beaux édifices étaient le produit du même art que les simples toits qu'ils dépassaient et n'étaient en définitive qu'une multiplication au carré et au cube de la même figure géométrique. Il compliquait donc l'ensemble sans le troubler, le compléter sans le charger. La géométrie est une harmonie. Quelques beaux hôtels faisaient aussi, çà et là, de magnifiques saillies sur les greniers pittoresques de la rive gauche. Le logis de Nevers, le logis de Rome, le logis de Reims, qui ont disparu, le logis de Cluny, qui subsiste encore pour la consolation de l'artiste, et dont on a si bêtement découronné la tour il y a quelques années. Près de Cluny, ce palais romain à belles arches cintrées, c'était les thermes de Julien. Il y avait aussi force abbaye d'une beauté plus dévote, d'une grandeur plus grave que les hôtels, mais non moins belle, non moins grande. Celle qui éveillait d'abord l'œil, c'était les Bernardins avec leurs 3 clochers. Sainte-Geneviève, dont la tour carrée qui existe encore, fait tant regretter le reste. La Sorbonne, moitié collège, moitié monastère, dont il survit une si admirable nef. Le beau cloître quadrilatéral des Mathurins, son voisin, le cloître de Saint-Benoît, dans les murs duquel on a eu le temps de bâcler un théâtre entre la 7e et la 8e édition de ce livre. Les Cordeliers, avec leurs 3 énormes pignons juxtaposés. Les Augustins, dont la gracieuse aiguille faisait après la tour de Nesle la 2e dentelure de ce côté de Paris, à partir de l'Occident. Les collèges qui sont en effet l'anneau intermédiaire du cloître au monde tenaient le milieu dans la série monumentale entre les hôtels et les abbayes, avec une sévérité pleine d'élégance, une sculpture moins évaporée que les palais, une architecture moins sérieuse que les couvents. Il ne reste malheureusement presque rien de ces monuments où l'art gothique entrecoupé avec tant de précision la richesse et l'économie, les églises, et elles étaient nombreuses et splendides dans l'université, et elles s'échelonnaient là aussi dans tous les âges de l'architecture, depuis les pleins cintres de Saint-Julien jusqu'aux ogives de Saint-Séverin. Les églises dominaient le tout, et comme une harmonie de plus dans cette masse d'harmonie, elles perçaient à chaque instant la découpure multiple des pignons de flèches tailladées, de clochers à jour, d'aiguilles déliées, dont la ligne n'était aussi qu'une magnifique exagération de l'angle aigu des toits. Le sol de l'université était montueux. La montagne Sainte-Geneviève y faisait au sud-est une ampoule énorme. Et c'était une chose à voir du haut de Notre-Dame que cette foule de rues étroites et tortues, aujourd'hui le Pays latin, ces grappes de maisons qui, répandues en tous sens du sommet de cette éminence, se précipitaient en désordre et presque à pic sur ses flancs, jusqu'au bord de l'eau, ayant l'air les unes de tomber, les autres de regrimper, toutes de se retenir les unes aux autres. Un flux continuel de 1000 points noirs qui s'entrecroisaient sur le pavé faisait tout remuer aux yeux. C'était le peuple, vu ainsi, de haut et de loin. Enfin, dans les intervalles de ces toits, de ces flèches, de ces accidents d'édifices sans nombre, qui pliaient, tordaient et dentelaient d'une manière si bizarre la ligne extrême de l'université, on entrevoyait d'espace en espace un gros pan de mur moussu, une épaisse tour ronde, une porte de ville crénelée, figurant la forteresse. C'était la clôture de Philippe Auguste. Au-delà, verdoyaient les prés, au-delà, s'enfuyaient les routes, le long desquelles traînaient encore quelques maisons de faubourg, d'autant plus rares qu'elles s'éloignaient plus. Quelques-uns de ces faubourgs avaient de l'importance. C'était d'abord à partir de la Tournelle, le bourg Saint-Victor avec son pont d'une arche de la Bièvre, son abbaye où on lisait l'épitaphe de Louis le Gros, Epitaphium Ludovici Grossi, et son église à flèche octogone flanquée de quatre clochetons du XIe siècle. On peut en voir une pareille à Étampes, elle n'est pas encore abattue. Puis le bourg Saint-Marceau, qui avait déjà trois églises et un couvent. Puis en laissant à gauche le moulin des Gobelins et ses quatre murs blancs, c'était le faubourg Saint-Jacques avec la belle croix sculptée de son carrefour, l'église de Saint-Jacques du Haut-Pas, qui était alors gothique, pointue et charmante. Saint-Magloire, belle nef du XIVe siècle, dont Napoléon fit un grenier à foin. Notre-Dame-des-Champs, où il y avait des mosaïques byzantines. Enfin, après avoir laissé en plein champ le monastère des Chartreux, riche édifice contemporain du palais de justice, avec ses petits jardins à compartiments et les ruines mal hantées de Vauvert, l'œil tombait à l'occident sur les trois aiguilles romanes de Saint-Germain-des-Prés. Le bourg Saint-Germain, déjà une grosse commune, faisait 15 ou 20 rues derrière. Le clocher aigu de Saint-Sulpice marquait un des coins du bourg. Tout à côté, on distinguait l'enceinte quadrilatérale de la foire Saint-Germain, où est aujourd'hui le marché. Puis le pilori de la baie, jolie petite tour ronde bien coiffée d'un cône de plomb. La Tuilerie était plus loin, et la rue du Four, qui menait au four banal, et le moulin sur sa butte, et la maladrerie, maisonnette isolée et mal vue. Mais ce qui attirait surtout le regard et le fixait longtemps sur ce point, c'était l'abbaye elle-même. Il est certain que ce monastère qui avait une grande mine, et comme église, et comme seigneurie, ce palais abbatial où les évêques de Paris s'estimaient heureux de coucher une nuit, ce réfectoire auquel l'architecte avait donné l'air, la beauté et la splendide rosace d'une cathédrale, cette élégante chapelle de la Vierge, ce dortoir monumental, ces vastes jardins, cette herse, ce pont-levis, cette enveloppe de créneaux qui entaillait aux yeux la verdure des prés d'alentour, ces cours où reluisaient des hommes d'armes mêlés à des chapes d'or, le tout groupé et rallié autour des trois hautes flèches à plein cintre bien assises sur une abside gothique, faisait une magnifique figure à l'horizon. Quand enfin, après avoir longtemps considéré l'université, vous vous tourniez vers la rive droite, vers la ville. Le spectacle changeait brusquement de caractère. La ville, en effet, beaucoup plus grande que l'université, était aussi moins une. Au premier aspect, on la voyait se diviser en plusieurs masses singulièrement distinctes. D'abord au levant, dans cette partie de la ville qui reçoit encore aujourd'hui son nom du Marais, où Camulogène embourba César, c'était un entassement de palais. Le pâté venait jusqu'au bord de l'eau. Quatre hôtels, presque adhérents, Jouy, Sens, Barbeau, le logis de la reine, miraient dans la Seine leurs combles d'ardoises coupées de sveltes tourelles. Ces quatre édifices emplissaient l'espace de la rue des Nonlandières à l'abbaye des Célestins, dont l'aiguille relevait gracieusement leurs lignes de pignons et de créneaux. Quelques masures verdâtres penchées sur l'eau devant ces somptueux hôtels n'empêchaient pas de voir les beaux angles de leurs façades, leurs larges fenêtres carrées à croisées de pierre, leurs porches ogives surchargées de statues, les vives arêtes de leurs murs toujours nettement coupés, et tous ces charmants hasards d'architecture qui font que l'art gothique a l'air de recommencer ses combinaisons à chaque monument. Derrière ces palais, couraient dans toutes les directions, tantôt refendus, palissadés et crénelés comme une citadelle, tantôt voilés de grands arbres comme une chartreuse, l'enceinte immense et multiforme de ce miraculeux hôtel de Saint-Paul, où le roi de France avait de quoi loger superbement 22 princes de la qualité du dauphin et du duc de Bourgogne, avec leurs domestiques et leurs suites, sans compter les grands seigneurs et l'empereur quand il venait voir Paris, et les lions qui avaient leur hôtel à part dans l'hôtel royal. Disons ici qu'un appartement de prince ne se composait pas alors de moins de 11 salles depuis la chambre de parade jusqu'au prier-dieu, sans parler des galeries, des bains, des étuves et autres lieux superflus dont chaque appartement était pourvu, sans parler des jardins particuliers de chaque hôte du roi, sans parler des cuisines, des celliers, des offices, des réfectoires généraux de la maison, des basses-cours où il y avait 22 laboratoires généraux, depuis la fourrille jusqu'à les chansonneries, des jeux de mille sortes, le mail, la pomme, la bague, des volières, des poissonneries, des ménageries, des écuries, des étables, des bibliothèques, des arsenaux et des fonderies. Voilà ce que c'était alors qu'un palais de roi, un Louvre, un hôtel Saint-Paul, une cité dans la cité. De la tour où nous sommes placés, l'hôtel Saint-Paul, presque à demi caché par les quatre grands logis dont nous venons de parler, était encore fort considérable et fort merveilleux à voir. On y distinguait très bien, quoique habilement soudé au bâtiment principal par de longues galeries à vitraux et à colonnettes, les trois hôtels que Charles V avait amalgamés à son palais. L'hôtel du Petit Muce, avec la balustrade en dentelle qui ourlait gracieusement son toit, l'hôtel de l'abbé de Saint-Maur, ayant le relief d'un château fort, une grosse tour, des machicoulis, des meurtrières, des moineaux de fer, et sur la large porte saxonne, l'écusson de l'abbé entre les deux entailles du pont-levis, l'hôtel du comte des Tempes, dont le donjon ruiné à son sommet s'arrondissait aux yeux, ébréché comme une crête de coq. Ça et là, trois ou quatre vieux chênes faisant touff ensemble comme d'énormes choux-fleurs, des ébats de cygnes dans les clairs-eaux des viviers, toutes plissées d'ombre et de lumière, force cours dont on voyait des bouts pittoresques, l'hôtel des Lions avec ses ogives basses sur des courts piliers saxons, ses herses de fer et son rugissement perpétuel, tout à travers cet ensemble, la flèche écaillée de l'Ave Maria. À gauche, le logis du prévôt de Paris, flanqué de quatre tourelles finement évidées, au milieu, au fond, l'hôtel Saint-Paul proprement dit, avec ses façades multipliées, ses enrichissements successifs depuis Charles V, les excroissances hybrides dont la fantaisie des architectes avait chargé depuis deux siècles, avec toutes les absides de ses chapelles, tous les pignons de ses galeries, 1000 girouettes aux quatre vents, et ses deux hautes tours contiguës, dont le toit conique, entouré de créneaux à sa base, avait l'air de ses chapeaux pointus, dont le bord est relevé. En continuant de monter les étages de cet amphithéâtre de palais développé au loin sur le sol, après avoir franchi un ravin profond creusé dans les toits de la ville, lequel marquait le passage de la rue Saint-Antoine, l'œil, et nous nous bornons toujours aux principaux monuments, arrivait au logis d'Angoulême, vaste construction de plusieurs époques où il y avait des parties toutes neuves et très blanches qui ne se fondaient guère mieux dans l'ensemble qu'une pièce rouge à un pourpoint bleu. Cependant, le toit singulièrement aigu et élevé du palais moderne, hérissé de gouttières ciselées, couvert de lames de plomb, où se roulaient en mille arabesques fantasques d'étincelantes incrustations de cuivre doré, ce toit, si curieusement damasquiné, s'élançait avec grâce du milieu des brunes ruines de l'ancien édifice, dont les vieilles grosses tours, bombées par l'âge comme des futailles s'abaissant sur elles-mêmes de vétusté et se déchirant du haut en bas, ressemblaient à de gros ventres déboutonnés. Derrière s'élevait la forêt d'aiguilles du palais des Tournelles. Pas de coup d'œil au monde, ni à Chambord, ni à l'Alhambra, plus magique, plus aérien, plus prestigieux que cette futaie de flèches, de clochetons, de cheminées, de girouettes, de spirales, de vis, de lanternes trouées par le jour qui semblaient frapper à l'emporte-pièce, de pavillons, de tourelles en fuseaux, ou, comme on disait alors, de tournelles, toutes diverses de formes, de hauteur et d'attitude. On eût dit un gigantesque échiquier de pierre. À droite des tournelles, cette botte d'énormes tours d'un noir d'encre, entrant les unes dans les autres et ciselées pour ainsi dire par un fossé circulaire, ce donjon, beaucoup plus percé de meurtrières que de fenêtres, ce pont-levis toujours dressé, cette herse toujours tombée, c'est la Bastille. Ces espèces de becs noirs qui sortent d'entre les créneaux et que vous prenez de loin pour des gouttières, ce sont des canons. Sous leurs boulets, au pied du formidable édifice, voici la porte Saint-Antoine, enfouie entre ces deux tours. Au-delà des tournelles, jusqu'à la muraille Charles V, se déroulait avec de riches compartiments de verdure et de fleurs un tapis velouté de cultures et de parcs royaux, au milieu desquels on reconnaissait, à son labyrinthe d'arbres et d'allées, le fameux jardin Dédalus que Louis XI avait donné à Coictier. L'observatoire du docteur s'élevait au-dessus du dédale comme une grosse colonne isolée ayant une maisonnette pour chapiteau. Il s'est fait dans cette officine de terribles astrologies. Là est aujourd'hui la place royale. Comme nous venons de le dire, le quartier de palais dont nous avons tâché de donner quelque idée au lecteur, en indiquant néanmoins que les sommités, emplissait l'angle que l'enceinte de Charles V faisait avec la Seine à l'Orient. Le centre de la ville était occupé par un monceau de maisons à peuple. C'est là, en effet, que se dégorgeaient les trois ponts de la cité sur la rive droite, et les ponts font des maisons avant des palais. Cet amas d'habitations bourgeoises, pressées comme les alvéoles dans la ruche, avait sa beauté. Il en est des toits d'une capitale comme des vagues d'une mer. Cela est grand. D'abord les rues, croisées et brouillées, faisaient dans ce bloc cent figures amusantes. Autour des halles, c'était comme une étoile amilurée. Les rues Saint-Denis et Saint-Martin, avec leurs innombrables ramifications, montaient l'une après l'autre comme deux gros arbres qui mêlent leurs branches. Et puis des lignes tortues, les rues de la Plâtrerie, de la Verrerie, de la Tixeranderie, etc., serpentaient sur le tout. Il y avait aussi de beaux édifices qui perçaient l'ondulation pétrifiée de cette mer de pignons. C'était à la tête du pont aux changeurs, derrière lequel on voyait mousser la Seine, sous les rues du pont aux meuniers. C'était le châtelier, non plus tour romaine comme sous Julien l'Apostat, mais tour féodale du XIIIe siècle, et d'une pierre si dure que le pic en 3 heures n'enlevait pas l'épaisseur du poing. C'était le riche clocher carré de Saint-Jacques de la Boucherie, avec ses angles tout émoussés de sculptures, déjà admirables, quoiqu'il ne fût pas achevé au XVe siècle. Il lui manquait en particulier ces 4 monstres qui, aujourd'hui encore, perchés aux encoignures de son toit, ont l'air de 4 sphinx qui donnent à deviner au Nouveau Paris l'énigme de l'ancien. Rau, le sculpteur, ne l'épousa qu'en 1526 et il en eut 20 francs pour sa peine. C'était la maison aux piliers, ouverte sur cette place de grève dont nous avons donné quelque idée au lecteur. C'était Saint-Gervais qu'un portail de bon goût a gâté depuis. Saint-Méry dont les vieilles ogives étaient presque encore des pleins cintres. Saint-Jean dont la magnifique aiguille était proverbiale. C'était 20 autres monuments qui ne dédaignaient pas d'enfouir leurs merveilles dans ce chaos de rues noires étroites et profondes. Ajoutez les croix de pierre sculptées plus prodiguées encore dans les carrefours que les gibets, le cimetière des Innocents dont on apercevait au loin par-dessus les toits l'enceinte architecturale, le pilori idéal dont on voyait le faîte entre deux cheminées de la rue de la Cossonnerie, l'échelle de la croix du Trahoir dans son carrefour toujours noir de peuple, les masures circulaires de la halle au blé, les tronçons de l'ancienne clôture de Philippe Auguste qu'on distinguait çà et là, noyés dans les maisons, tours rongées de lierre, portes ruinées, pans de murs croulants et déformés, le quai avec ses 1000 boutiques et ses écorcheries saignantes, la Seine chargée de bateaux du fort au foin au fort l'évêque. Et vous aurez une image confuse de ce qu'était en 1482 le trapèze central de la ville. Avec ces deux quartiers, l'un d'hôtel, l'autre de maison, le troisième élément de l'aspect qu'offrait la ville, c'était une longue zone d'abbaye qui l'abordait dans presque tout son pourtour, du levant au couchant et en arrière de l'enceinte de fortification qui fermait Paris, lui faisait une seconde enceinte intérieure de couvents et de chapelles. Ainsi, immédiatement à côté du parc des Tournelles, entre la rue Saint-Antoine et la vieille rue du Temple, il y avait Sainte-Catherine avec son immense culture qui n'était bornée que par la muraille de Paris. Entre la vieille et la nouvelle rue du Temple, il y avait le Temple, sinistre faisceau de tours, haut, debout et isolé, au milieu d'un vaste enclos crénelé. Entre la rue Neuve du Temple et la rue Saint-Martin, c'était l'abbaye de Saint-Martin, au milieu de ses jardins, superbe église fortifiée, dont la ceinture de tours, dont la tiare de clocher, ne le cédait en force et en splendeur qu'à Saint-Germain-des-Prés. Entre les deux rues Saint-Martin et Saint-Denis se développait l'enclos de la Trinité. Enfin, entre la rue Saint-Denis et la rue Montorgueil, les Filles-Dieu. À côté, on distinguait les toits pourris et l'enceinte dépavée de la Cour des Miracles. C'était le seul anneau profane qui se mêla à cette dévote chaîne de couvents. Enfin, le quatrième compartiment qui se dessinait de lui-même, dans l'agglomération des toits de la rive droite et qui occupait l'angle occidental de la clôture et le bord de l'eau en aval, c'était un nouveau nœud de palais et d'hôtels serré au pied du Louvre. Le vieux Louvre de Philippe Auguste, cet édifice démesuré dont la grosse tour ralliait 23 maîtresses tours autour d'elle, sans compter les tourelles, semblait de loin enchâssé dans les combles gothiques de l'hôtel d'Alençon et du Petit Bourbon. Cette hydre de tour, gardienne géante de Paris, avec ses 24 têtes toujours dressées, avec ses croupes monstrueuses plombées ou écaillées d'ardoise, et toute ruisselante de reflets métalliques, terminait d'une manière surprenante la configuration de la ville au couchant. Ainsi, un immense pâté, ce que les Romains appelaient insula, de maisons bourgeoises flanquées à droite et à gauche de deux blocs de palais couronnés, l'un par le Louvre, l'autre par les Tournelles, bordé au nord d'une longue ceinture d'abbayes et d'enclos cultivés, le tout amalgamé et fondu au regard, sur ces 1000 édifices dont les toits de tuiles et d'ardoises découpaient les uns sur les autres tant de chaînes bizarres, les clochers tatoués, gaufrés et guillochés, des 44 églises de la rive droite, des myriades de rues au travers, pour limite d'un côté une clôture de haute muraille à tour carré, celle de l'université était à tour ronde, de l'autre, la Seine coupée de ponts et charriant force bateaux, voilà la ville au XVe siècle. Au-delà des murailles, quelques faubourgs se pressaient aux portes, mais moins nombreux et plus épars que ceux de l'université. C'était derrière la Bastille, 20 masures pelotonnées autour des curieuses sculptures de la croix Faubin et des arcs-boutants de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs. Puis Popincourt, perdu dans les blés. Puis la Courtille, joyeux village de cabaret. Le bourg Saint-Laurent avec son église dont le clocher de loin semblait s'ajouter au tour pointu de la porte Saint-Martin. Le faubourg Saint-Denis avec le vaste enclos de Saint-Ladre. Hors de la porte Montmartre, la grande batelière, ceinte de murailles blanches. Derrière elle, avec ses pentes de craie, Montmartre, qui avait alors presque autant d'églises que de moulins, et qui n'a gardé que les moulins, car la société ne demande plus maintenant que le pain du corps. Enfin, au-delà du Louvre, on voyait s'allonger dans les prés le faubourg Saint-Honoré, déjà fort considérable alors, et verdoyer la petite Bretagne, et se dérouler le marché aux pourceaux, au centre duquel s'arrondissait l'horrible fourneau à bouillir les faux monnayeurs. Entre la Courtille et Saint-Laurent, votre œil avait déjà remarqué, au couronnement d'une hauteur accroupie sur les plaines désertes, une espèce d'édifice qui ressemblait de loin à une colonnade en ruine, debout sur un soubassement déchaussé. Ce n'était ni un Parthénon, ni un temple de Jupiter olympien, c'était Montfaucon. Maintenant, si le dénombrement de tant d'édifices, quelque sommaire que nous l'ayons voulu faire, n'a pas pulvérisé, à mesure que nous la construisions dans l'esprit du lecteur, l'image générale du vieux Paris, nous la résumerons en quelques mots. Au centre, l'île de la Cité ressemblant par sa forme à une énorme tortue et faisant sortir ses ponts écaillés de tuiles comme des pattes de dessous sa grise carapace de toit. À gauche, le trapèze monolithique, ferme, dense, serré, hérissé de l'université. À droite, le vaste demi-cercle de la ville, beaucoup plus mêlé de jardins et de monuments. Les trois blocs, cité, université, ville, marbrés de rues sans nombre. Tout au travers, la Seine, la nourricière Seine, comme dit le père Dubreuil, obstruée d'îles, de ponts et de bateaux. Tout autour, une plaine immense, rapiécée de mille sortes de cultures, semée de beaux villages. À gauche, ici, Vanvres, Vaugirard, Montrouge, Gentilly avec sa tour ronde et sa tour carrée, etc. À droite, 20 autres, depuis Conflans jusqu'à la ville l'Évêque. À l'horizon, un ourlet de collines disposées en cercle comme le rebord du bassin. Enfin, au loin, à l'Orient, Vincennes et ses 7 tours quadrangulaires. Au sud, Bicêtre et ses tourelles pointues. Au septentrion, Saint-Denis et son aiguille. À l'occident, Saint-Cloud et son donjon. Voilà le Paris que voyaient du haut des tours de Notre-Dame les corbeaux qui vivaient en 1482. C'est pourtant de cette ville que Voltaire a dit qu'avant Louis XIV, elle ne possédait que 4 beaux monuments. Le dôme de la Sorbonne, le Val-de-Grâce, le Louvre moderne, et je ne sais plus le 4e, le Luxembourg peut-être. Heureusement, Voltaire n'en a pas moins fait Candide, et n'en est pas moins de tous les hommes qui se sont succédés dans la longue série de l'humanité, celui qui a le mieux eu le rire diabolique. Cela prouve d'ailleurs qu'on peut être un beau génie et ne rien comprendre à un art dont on n'est pas. Molière ne croyait-il pas faire beaucoup d'honneur à Raphaël et à Michel-Ange en les appelant ces mignards de leur âge. Revenons à Paris et au XVe siècle. Ce n'était pas alors seulement une belle ville, c'était une ville homogène, un produit architectural et historique du Moyen-Âge, une chronique de pierre. C'était une cité formée de 2 couches seulement, la couche romane et la couche gothique, car la couche romaine avait disparu depuis longtemps, excepté au terme de Julien, où elle perçait encore la croûte épaisse du Moyen-Âge. Quant à la couche celtique, on n'en trouvait même plus d'échantillons en creusant des puits. 50 ans plus tard, lorsque la Renaissance vint mêler à cette unité, si sévère et pourtant si variée, le luxe éblouissant de ses fantaisies et de ses systèmes, ses débauches de pleins cintres romains, de colonnes grecques, et de surbaissement gothique, sa sculpture si tendre et si idéale, son goût particulier d'arabesque et d'acanthe, son paganisme architectural contemporain de Luther, Paris fut peut-être plus beau encore, quoique moins harmonieux à l'œil et à la pensée. Mais ce splendide moment dura peu. La Renaissance ne fut pas impartiale. Elle ne se contenta pas d'édifier. Elle voulut jeter à bas. Il est vrai qu'elle avait besoin de place. Aussi le Paris gothique ne fut-il complet qu'une minute. On achevait à peine Saint-Jacques de la Boucherie qu'on commençait la démolition du vieux Louvre. Depuis, la grande ville a été se déformant de jour en jour. Le Paris gothique sous lequel s'effaçait le Paris roman s'est effacé à son tour. Mais peut-on dire quel Paris l'a remplacé? Il y a le Paris de Catherine de Médicis aux Tuileries, le Paris de Henri II à l'Hôtel de Ville, deux édifices encore d'un grand goût, le Paris de Henri IV à la Place Royale, façade de briques à coins de pierre et à toits d'ardoise, des maisons tricolores, le Paris de Louis XIII au Val-de-Grâce, une architecture écrasée et trapue, des voûtes en anse de panier, je ne sais quoi de ventru dans la colonne et de bossu dans le dôme. Le Paris de Louis XIV aux Invalides, grand, riche, doré et froid. Le Paris de Louis XV à Saint-Sulpice, des volutes, des nœuds de ruban, des nuages, des vermicelles et des chicorées, le tout en pierre. Le Paris de Louis XVI au Panthéon, Saint-Pierre de Rome mal copié. L'édifice s'est assez gauchement, ce qui n'en a pas raccommodé les lignes. Le Paris de la République à l'école de médecine, un pauvre groupe grec et romain qui ressemble au Colisée ou au Parthénon, comme la constitution de l'an III aux lois de Minos. On l'appelle en architecture le goût Messidor. Le Paris de Napoléon à la place Vendôme, celui-là est sublime. Une colonne de bronze faite avec des canons. Le Paris de la Restauration à la Bourse, une colonnade fort blanche supportant une frise fort lisse, le tout est carré et a coûté 20 millions. À chacun de ces monuments caractéristiques se rattache par une similitude de goût, de façon et d'attitude, une certaine quantité de maisons éparses dans divers quartiers et que l'œil du connaisseur distingue et date aisément. Quand on sait voir, on retrouve l'esprit d'un siècle et la physionomie d'un roi jusque dans un marteau de porte. Le Paris actuel n'a donc aucune physionomie générale. C'est une collection d'échantillons de plusieurs siècles, et les plus beaux ont disparu. La capitale ne s'accroît qu'en maison, et quelle maison! Du train dont va Paris, il se renouvellera tous les 50 ans. Aussi, la signification historique de son architecture s'efface-t-elle tous les jours. Les monuments y deviennent de plus en plus rares, et il semble qu'on les voit s'engloutir peu à peu, noyés dans les maisons. Nos pères avaient un Paris de pierre, nos fils auront un Paris de plâtre. Quant aux monuments modernes du Paris neuf, nous nous dispenserons volontiers d'en parler. Ce n'est pas que nous ne les admirions comme il convient. La Sainte Geneviève de M. Soufflot est certainement le plus beau gâteau de Savoie qu'on ait jamais fait en pierre. Le palais de la Légion d'honneur est aussi un morceau de pâtisserie fort distingué. Le dôme de la Halle au blé est une casquette de jockey anglais sur une grande échelle. Les tours Saint-Sulpice sont deux grosses clarinettes, et c'est une forme comme une autre. Le télégraphe tortue et grimaçant fait un aimable accident sur leur toiture. Saint-Roch a un portail qui n'est comparable pour la magnificence qu'à Saint-Thomas d'Aquin. Il a aussi un calvaire en rond de bosse dans une cave et un soleil de bois doré. Ce sont là des choses tout à fait merveilleuses. La lanterne du labyrinthe du Jardin des Plantes est aussi fort ingénieuse. Quant au palais de la Bourse, qui est grec par sa colonnade, romain par le plein cintre de ses portes et fenêtres, de la Renaissance par la grande voûte surbaissée, c'est indubitablement un monument très correct et très pur. La preuve, c'est qu'il est couronné d'un attique comme on n'en voyait pas à Athènes, belle ligne droite, gracieusement coupée çà et là par des tuyaux de poêle. Ajoutons que s'il est de règle que l'architecture d'un édifice soit adaptée à sa destination, de telle façon que cette destination se dénonce d'elle-même au seul aspect de l'édifice, on ne saurait trop s'émerveiller d'un monument qui peut être indifféremment un palais de roi, une chambre des communes, un hôtel de ville, un collège, un manège, une académie, un entrepôt, un tribunal, un musée, une caserne, un sépulcre, un temple, un théâtre. En attendant, c'est une bourse. Un monument doit en outre être approprié au climat. Celui-ci est évidemment construit exprès pour notre ciel froid et pluvieux. Il a un toit presque plat comme en Orient, ce qui fait que l'hiver, quand il neige, on balaye le toit. Et il est certain qu'un toit est fait pour être balayé. Quant à cette destination dont nous parlions tout à l'heure, il la remplit à merveille. Il est bourse en France, comme il eût été temple en Grèce. Il est vrai que l'architecte a eu assez de peine à cacher le cadran de l'horloge qui eût détruit la pureté des belles lignes de la façade. Mais en revanche, on a cette colonnade qui circule autour du monument et sous laquelle, dans les grands jours de solennité religieuse, peut se développer majestueusement la théorie des agents de change et des courtiers de commerce. Ce sont là sans aucun doute de très superbes monuments. Joignons-y force belles rues, amusantes et variées comme la rue de Rivoli, et je ne désespère pas que Paris, vu à vol de ballon, ne présente un jour aux yeux cette richesse de lignes, cette opulence de détails, cette diversité d'aspects, ce je ne sais quoi de grandiose dans le simple et d'inattendu dans le beau qui caractérise un damier. Toutefois, si admirable que vous semble le Paris d'à présent, refaites le Paris du XVe siècle. Reconstruisez-le dans votre pensée. Regardez le jour à travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers. Répandez au milieu de l'immense ville, déchirée à la pointe des îles, plissée aux arches des ponts, la Seine avec ses larges flaques vertes et jaunes, plus changeante qu'une robe de serpent. Détachez nettement sur un horizon d'azur le profil gothique de ce vieux Paris. Faites-en flotter le contour dans une brume d'hiver qui s'accroche à ses nombreuses cheminées. Noyez-le dans une nuit profonde et regardez le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce sombre labyrinthe d'édifices. Jetez-y un rayon de lune qui le dessine vaguement et fasse sortir du brouillard les grandes têtes des tours. Ou reprenez cette noire silhouette, ravivez d'ombre les mille angles aigus des flèches et des pignons, et faites-la saillir, plus dentelée qu'une mâchoire de requin, sur le ciel de cuivre du couchant. Et puis, comparez. Et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait plus vous donner, montez un matin de grande fête au soleil levant de Pâques ou de la Pentecôte. Montez sur quelque point élevé d'où vous dominiez la capitale entière et assistez à l'éveil des carillons. Voyez un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui le donne, ces mille églises tressaillir à la fois. Ce sont d'abord des tintements épars, allant d'une église à l'autre, comme lorsque des musiciens s'avertissent qu'on va commencer. Puis, tout à coup, voyez, car il semble qu'en certains instants l'oreille aussi a sa vue, voyez s'élever au même moment de chaque clocher comme une colonne de bruit, comme une fumée d'harmonie. D'abord, la vibration de chaque cloche monte, droite, pure, et pour ainsi dire, isolée des autres, dans le ciel splendide du matin. Puis, peu à peu, en grossissant, elles se fondent, elles se mêlent, elles s'effacent l'une dans l'autre, elles s'amalgament dans un magnifique concert. ce n'est plus qu'une masse de vibrations sonores qui se dégage sans cesse des innombrables clochers, qui flottent, ondulent, bondissent, tourbillonnent sur la ville et prolongent bien au-delà de l'horizon le cercle assourdissant de ses oscillations. Cependant, cette mer d'harmonie n'est point un chaos. Si grosse et si profonde qu'elle soit, elle n'a point perdu sa transparence. Vous y voyez serpenter à part chaque groupe de notes qui s'échappe des sonneries. Vous y pouvez suivre le dialogue, tour à tour grave et criard, de la crécelle et du bourdon. Vous y voyez sauter les octaves d'un clocher à l'autre. Vous les regardez s'élancer, ailées, légères et sifflantes, de la cloche d'argent. Tombée, cassée, boiteuse de la cloche de bois. Vous admirez au milieu d'elle la riche gamme qui descend et remonte sans cesse les sept cloches de Saint-Eustache. Vous voyez courir tout au travers des notes claires et rapides qui font trois ou quatre zigzags lumineux et s'évanouissent comme des éclairs. Là-bas, c'est l'abbaye Saint-Martin, chanteuse aigre et fêlée. Ici, la voix sinistre et bourrue de la Bastille. À l'autre bout, la grosse tour du Louvre, avec sa basse taille. Le royal carillon du palais jette sans relâche de tous les côtés des trilles resplendissants sur lesquels tombent à temps égaux les lourdes couppetées du beffroi de Notre-Dame, qui les font étinceler comme l'enclume sous le marteau. Par intervalles, vous voyez passer des sons de toutes formes qui viennent de la triple volée de Saint-Germain-des-Prés. Puis encore de temps en temps, cette masse de bruit sublime s'entr'ouvre et donne passage à la strette de l'Ave Maria qui éclate et pétille comme une aigrette d'étoiles. Au-dessus, au plus profond du concert, vous distinguez confusément le chant intérieur des églises qui transpire à travers les pores vivants de leurs voûtes. Certes, c'est là un opéra qui vaut bien la peine d'être écouté. D'ordinaire, la rumeur qui s'échappe de Paris le jour, c'est la ville qui parle. La nuit, c'est la ville qui respire. Ici, c'est la ville qui chante. Prêtez donc l'oreille à ce tuti des clochers. Répandez sur l'ensemble le murmure d'un demi-million d'hommes, la plainte éternelle du fleuve, les souffles infinis du vent, le quatuor grave et lointain des quatre forêts disposées sur les collines de l'horizon comme d'immenses buffets d'orgue. Éteignez-y, ainsi que dans une demi-teinte, tout ce que le carillon central aurait de trop rauque et de trop aigu. Et dites, si vous connaissez au monde quelque chose de plus riche, de plus joyeux, de plus doré, de plus éblouissant que ce tumulte de cloches et de sonneries, que cette fournaise de musique, que ces 10 000 voix d'airain chantant à la fois dans les flûtes de pierre hautes de 300 pieds, que cette cité qui n'est plus qu'un orchestre, que cette symphonie qui fait le bruit d'une tempête.